Chapitre 8e. Bientôt, prenant l'offensive, grâce aux avantages qu'il avait jusque-là remportés, Jésus s'attaqua ouvertement à la puissante secte des pharisiens et aux scribes ou docteurs de la loi. Le réquisitoire prononcé dans le temple, et que rapporte Matthieu, est d'une force et d'une raison incomparables. Sur ce terrain, le prophète égale Ésaïe, il y a des probabilités pour que cette philippique soit authentique au moins dans ses parties essentielles. Il faut lire ce morceau dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23 tout entier. Citons-en quelques passages. Il parle des scribes et des pharisiens. Ils lient des fardeaux pesants sur les épaules des hommes et ils ne veulent pas les remuer du bout du doigt. Ils font toutes leurs actions afin d'être vus des hommes. Ils aiment les premières places dans les festins et dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue et que les hommes les appellent rabbi, maître. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que sous prétexte de vos longues prières, vous dévorez les maisons des veuves, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et qu'après qu'il l'est devenu, vous le rendez digne de l'enfer. Malheur à vous, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous abandonnez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la foi. Malheur à vous, parce que vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont tout pleins de pourriture. Serpent, race de vipère, comment pouvez-vous éviter d'être condamné au feu de l'enfer ? Tout cela semble écrit d'hier et trouverait aujourd'hui plus que jamais son application. Néanmoins, la fin qui est loin de répondre au commencement a été évidemment interpellée après coup, car Jésus y parle d'un fait passé du meurtre de Zacharie qui fut assassiné 40 ans plus tard par les prêtres. Cette falsification a eu pour but de lui faire prédire la prise et la ruine de Jérusalem en 70.